J'aborde une intersection où la circulation est réglée par des feux qui, momentanément, sont au jaune clignotant. Je dois alors tenir compte des panneaux relatifs au régime de priorité. Je dois céder le passage aux véhicules qui circulent sur la chaussée abordée. Elle est à sens unique. Aucun usager ne peut venir de droite. Je devrais donc tourner à droite et céder le passage à gauche. Réponses B et C.